C'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Cette semaine, l'actualité bruisse de découvertes préhistoriques. Tout d'abord, celle d'un art très très ancien, vieux de 39 000 ans en Indonésie, encore plus vieux et détrônant les peintures de notre fameuse grotte Chauvet. Celle surtout qui nous intéresse aujourd'hui, la mise au jour d'un homme, mieux d'un pré-néandertalien, vieux de plus de 200 000 ans, découvert cette fois-ci en Normandie et dont la perfide Albion a déjà fait le plus vieux des Normand. Pour tout savoir sur l'homme de Tourville-la-Rivière, sa tête et ses jambes, mais surtout son unique bras, j'ai rencontré Bruno Moreil, paléo-anthropologue et directeur de recherche au CNRS, Jean-Philippe Fèvre, préhistorien et chargé de recherche, Céline Bémilly, archéozoologue et chargée de recherche à l'INRAP. Bruno Moreil, des fossiles humains en France, on en trouve tous les jours ? Des fossiles humains en France, on en trouve pour les périodes récentes, mais pour la période qui nous intéresse aujourd'hui, non. On n'en trouve malheureusement qu'un à peu près tous les 40 ans. De quoi s'agit-il exactement ? La découverte de Tourville représente une découverte majeure parce qu'elle documente une partie de l'histoire du peuplement de l'Europe du Nord par la lignée néandertalienne. Il s'agit donc d'un néandertalien ? Il s'agit d'un pré-néandertalien qui est représenté par les trois os longs de son bras gauche. Alors c'est quoi un pré-néandertalien par rapport à un néandertalien ? Un pré-néandertalien, c'est un fossile humain qui s'inscrit au sein de la lignée néandertalienne parce qu'on peut observer sur les ossements des traits qui se rapportent à cette lignée, mais qui est chronologiquement antérieur à la partie la plus récente de l'histoire de cette lignée, soit moins 70 000 ans à moins 30 000 ans. C'est-à-dire qu'il a déjà des caractères néandertaliens, mais pas tout à fait. Il a des caractères néandertaliens, certains qui vont se retrouver très proches de ceux que l'on va observer sur les fossiles les plus récents, et d'autres qui ne seront pas présents. Un pré-néandertalien en France, on en trouverait moins que des grands fossiles beaucoup plus anciens en Afrique ? Actuellement, on trouve moins de fossiles de membres de la lignée néandertalienne en Europe du Nord-Ouest que l'on ne trouve d'australopithécinés en Afrique du Sud, oui. Oui, certainement. Qu'est-ce que l'on connaissait en pré-néandertalien en Europe du Nord-Ouest ? On connaissait essentiellement des fossiles représentés par des vestiges crâniens ou des vestiges dentaires. Bon, les plus célèbres en France étaient ceux de Biache-Saint-Vaast, puisqu'on a deux crânes fragmentaires qui ont été mis au jour à Biache au milieu des années 70 et un peu plus tardivement pour le second. Et puis on avait des fossiles assez bien connus maintenant dans l'histoire de cette lignée, Stanheim, Swanscombe, Bissingsleben, qui ont été des fossiles qui ont été essentiellement trouvés en Allemagne, et quelques spécimens trouvés en Angleterre. En Angleterre, il y avait eu un site trouvé il y a une quinzaine d'années qui avait fait beaucoup de bruit. Oui. C'était une sorte de tibia, c'est bien ça ? Exactement, c'est le gisement de Boxgrove qui livre un spécimen qui est plus ancien que le fossile de Tourville. Et à Boxgrove, sur un site qui a été fréquenté par les hommes pour fabriquer des bifaces et d'une façon différente que le gisement de Tourville, ont été mis au jour un tibia, qui est rapporté au genre Homo, sans plus, et deux incisives. On aurait en tout et pour tout combien de pré-néandertaliens en Europe ? Alors si on intègre l'Europe du Sud, on a quand même beaucoup de spécimens, puisque par exemple le gisement de la Cima de los Huesos près de Burgos a livré la plus fabuleuse série de vestiges rapportés à cette période, où on a 28 individus différents qui sont représentés par de très nombreux ossements du squelette. Mais malheureusement, les conditions de dépôt font qu'on ne sait pas si l'humérus droit appartient avec le radius droit trouvé dans le site. On a un autre site très célèbre qui s'appelle Krapina, en Croatie, qui a également livré une fabuleuse série où on a des centaines de vestiges rapportés à la lignée néandertalienne. Mais pour l'Europe du Nord-Ouest, actuellement, on a 12 sites. Et sur ces 12 sites, ça doit représenter un peu plus qu'une vingtaine à 30 individus, parce qu'il y a deux gisements qui livrent plusieurs individus. Alors il faut s'arrêter peut-être un peu sur ce site de Burgos, qui est tout à fait exceptionnel. C'est ce que rêvent tous les anthropologues biologiques. Oui, c'est plus qu'un rêve. Si on trouvait l'équivalent de Burgos en France, c'est le jackpot de la paléoanthropologie, puisqu'à Burgos, on a les restes de 28 individus qui sont représentés par toutes les parties anatomiques du corps. Ils ont retrouvé des oïoïdes, alors qu'on n'en connaissait qu'un auparavant à Kebara, en Israël. Donc c'est un site extraordinaire et qui a aussi permis l'étude de l'ADN ancien d'un individu, hein, puisqu'ils ont fait un prélèvement sur un fémur. Et ce fémur a livré son ADN mitochondrial, et cet ADN mitochondrial semble plus proche de ceux de la lignée des hommes de Denisova que de la lignée des Néandertaliens. Ce qui n'est pas sans nous poser des petits problèmes intellectuels. Alors l'homme de Denisova, c'est cet individu récemment trouvé dans l'Altaï, c'est bien ça, et qui bouleverse absolument, complètement l'anthropologie biologique. L'homme de Denisova, effectivement, a été connu d'abord parce que sur la base d'une phalange de la main, une phalange distale de la main, les paléoanthropologues russes probablement n'ont pas accordé beaucoup d'importance sur ce petit ossement qui ils devaient considérer qu'ils ne pouvaient pas tellement parler au niveau de l'anatomie. Et donc ils ont sacrifié cette phalange pour essayer de trouver de l'ADN. Ils ont trouvé de l'ADN mitochondrial et nucléaire, et cet ADN traduit l'existence d'une nouvelle lignée humaine qui était totalement inconnue des archives paléoanthropologiques, qu'on appelle les hommes de Denisova, et qui semble s'être individualisée de la lignée néandertalienne il y a près de 600 000 ans. Donc c'est une lignée que l'on ne soupçonnait pas, en tout cas. Donc à vous écouter, on peut imaginer que dans l'Europe, et notamment l'Europe du Nord-Ouest, on est bien sûr des Néandertaliens, mais avant des pré-Néandertaliens, et peut-être des pré-Denisoviens, c'est un peu dur à dire. C'est même plus que l'imaginer, puisque sur la base de l'étude de l'ADN mitochondrial du fossile de la Cima de los Huesos, nos collègues du Max Planck Institute nous proposent l'hypothèse de l'existence d'une troisième lignée qu'on ne connaît toujours pas pour essayer d'expliquer la variabilité de l'ADN mitochondrial que l'on connaît à la Cima, que l'on connaît avec l'homme de Denisova et que l'on connaît chez les Néandertaliens. Donc peut-être que sur le territoire de l'Eurasie, on avait une lignée néandertalienne, la lignée des hommes de Denisova et une autre lignée qu'on n'en a toujours pas trouvée. Maintenant, peut-être que les hommes de Denisova font partie du buissonnement de la lignée des Néandertaliens. Il faut trouver plus d'ADN, plus de fossiles et essayer de mieux comprendre tout cela. Revenons à l'homme de Tourville. L'homme de Tourville, justement, vous l'avez comparé forcément aux données découvertes en Espagne à Burgos. On l'a comparé aux fossiles pré-néandertaliens pour lesquels on dispose de mensurations individuelles. Donc on l'a plutôt comparé aux pré-néandertaliens européens du Sud, etc., mais aussi aux hommes de la Cima quand on avait ces données, naturellement. Et on l'a également comparé aux néandertaliens les plus récents que l'on connaît en Europe. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce bras ? C'est un bras gauche représenté essentiellement par les fudiafisaires, donc la partie la plus longue des os longs, sans les extrémités articulaires. Donc on a l'humérus, le radius et l'ulna. On peut dire qu'en fonction de ces caractéristiques métriques, nous sommes en présence probablement d'un adulte ou d'un vieil adolescent. En tout cas, l'os avait atteint probablement sa taille adulte. Nous sommes en présence d'un individu, on l'a dit, qui s'inscrit au sein de la lignée néandertalienne et qui présente sur son humérus une particularité avec une crainte d'insertion d'une partie du muscle deltoïde qui est particulière et qui traduit peut-être un mouvement répété du bras. Alors, bien sûr, ce n'est pas à partir d'un bras qu'on peut savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On peut tout de même savoir sa stature en mesurant, en comparant à quelques néandertaliens. Les os longs du bras et de l'avant-bras ne sont pas très bien corrélés avec la stature. Si on avait eu les extrémités articulaires, bien sûr, on aurait présenté ce résultat en tentant de le discuter. Bon, c'est le fémur qui est l'os long qui est le mieux corrélé pour discuter la taille de l'individu, la stature. Bon, on ne l'a pas fait. En revanche, on sait que par rapport aux autres pré-néandertaliens ou néandertaliens connus, il se situe dans la même gamme de longueur. Donc il a une stature assez voisine de celle de Taboun ou de Régourdou, par exemple. Et on a beaucoup de bras gauches de pré-néandertaliens en Europe, voire au Proche-Orient, puisque on peut penser qu'on a du néandertalien au Proche-Orient. Oui, en dehors du fossile de Taboun C1, qui est donc un fossile âgé d'au moins 120 000 ans découvert au Proche-Orient, non, on n'a que le bras gauche de Tourville et celui de Taboun C1. Après, on a des ossements isolés à Crapina, d'humérus, de radius, d'ulna gauche, mais ces ossements n'appartiennent pas tous au même individu. Donc actuellement, pour cette période chronologique-là, on a deux spécimens qui sont connus par trois ossements de leur bras gauche. Donc pour vous, cette découverte d'un bras gauche pré-néandertalien, c'est une découverte majeure pour l'anthropologie en Europe ? C'est une découverte majeure pour l'anthropologie en Europe, sans aucun doute, puisqu'il documente une partie de la variabilité morphologique de cette lignée que l'on ne connaissait pas sur le territoire nord-ouest européen. Alors, vous me parliez d'une étonnante caractéristique de ce bras. De quoi s'agit-il ? Alors, sur l'humérus, on a observé une crête très en relief qui traduit à l'insertion de la partie du faisceau postérieur du muscle deltoïde. Cette crête peut correspondre à un mouvement répété d'éloignement du bras de l'axe du corps et de l'étirement de ce bras. Donc, un mouvement qui aurait été reproduit plusieurs fois, très fréquemment dans la vie de cet individu pour qu'une telle crête s'exprime. Et au sommet de cette crête, on a la trace d'un arrachement ligamentaire qui correspond à un micro-traumatisme beaucoup plus violent que peut-être les précédents que subissait cet individu quand il faisait ce mouvement. Donc, si je comprends bien, il a une sorte de pathologie. Oui, c'est une sorte de pathologie, effectivement. On appelle ça une anthésopathie, c'est donc l'arrachement de la partie ligamenteuse qui permet aux muscles de s'insérer sur l'os. Qu'est-ce que l'on sait de l'anthésopathie aujourd'hui ? Malheureusement, on ne sait pas beaucoup de choses. Ça fait l'objet du travail de notre collègue Sébastien Villotte, qui a particulièrement étudié cela chez les hommes fossiles plutôt du paléolithique supérieur. Et on connaît toujours très très mal la variabilité et les différents types de causes qui peuvent expliquer différents types d'anthésopathie, suivant que ce soit le muscle qui s'arrache, le ligament, la partie fibreuse, etc. Ça touche une population particulière aujourd'hui ? Je pense que ce type de traumatisme peut toucher beaucoup plus, de façon plus spécialisée, tous les sportifs qui ont des activités répétées et qui sollicitent différemment une partie de leur système musculaire. Et quel est le geste précis pour attraper cette anthésopathie ? Dans ce cas-là, l'anthésopathie, elle traduit à un moment un traumatisme qui a été plus violent que la sollicitation habituelle du membre. Le geste qui aurait pu être répété par ce pré-néandertalien, c'était un geste qui permettait au bras gauche de s'étendre et de s'éloigner de l'axe du corps. Donc peut-être un geste de lancer. Et quel sportif attrape réellement une anthésopathie ? Dans la littérature, vous avez les basketteurs, vous avez les tennismans, les joueurs de baseball, voilà, toutes les personnes qui sollicitent beaucoup leur bras. Alors ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est ce bras gauche qui est sollicité. On sait bien que les archéologues s'intéressent souvent au problème de latéralité. Le fait que le bras gauche soit sollicité, c'est assez important. Alors ça peut l'être. Malheureusement, on n'a pas le bras droit de cet individu, donc on n'est pas capable de discuter la latéralisation de ce sujet. On a étudié les coupes scanners qu'on peut obtenir en faisant, si vous voulez, des tranches dans la diaphyse humérale de ce spécimen. Et il ne montre pas une robustesse très particulière, cet humérus gauche. Alors que l'on sait que, par exemple, certains néandertaliens, comme l'homme de Rigourdou, lui, avaient une très forte dissymétrie entre son bras gauche et son bras droit. Donc, actuellement, pour Tourville, on ne peut pas dire c'est un gaucher ou c'était un droitier. On ne sait pas. Il est normal. Alors aujourd'hui, vous venez de publier donc un papier collectif, bien sûr, recouvrant de nombreux laboratoires dans la grande revue internationale qui s'appelle PLOS ONE. Il s'agit bien sûr d'un premier papier d'annonce donc du fameux fossile de Tourville. Cela va déboucher sur quoi ? Bien sûr, sur toute une quantité d'études, dont notamment, on peut penser, la paléogénétique pour vérifier le caractère néandertalien ou dénisovien. J'espère que l'on réussira à travers ce papier à intéresser des collègues et avec les membres de l'équipe scientifique qui sont impliqués dans l'étude du site de Tourville. On proposera probablement à des collègues d'essayer de trouver de l'ADN ancien sur ce spécimen et de voir si on a beaucoup de chance, si cet ADN est conservé, ce qui nous apprend de ce fossile. Jean-Philippe Fèvre, dans quelles conditions cet homme de Tourville a-t-il été découvert ? Il a été découvert dans le cadre de cette fouille que nous menions en 2010 sur cette emprise de 1 hectare, avec les moyens en adéquation, hein, puisque c'est une fouille qui a duré à peu près 4 mois et demi, donc des moyens mécaniques et aussi de la fouille fine, des moyens mécaniques qui permettaient justement de mettre au jour les surfaces osseuses, et puis ensuite nous passions à la fouille manuelle pour les dégager. Donc ce fossile, ou ces fossiles, ces trois ossements ont été dégagés via ce moyen, hein, suite à un passage du godet de l'appel mécanique que la surface osseuse de l'humérus est apparue. Nous nous sommes attelés à dégager cet humérus et au fur et à mesure de nos travaux, eh bien, les surfaces osseuses du radius et de l'ulna sont apparues. Et vous vous êtes aperçu immédiatement qu'il s'agissait d'un homme ? Non, pas immédiatement. Ça a pris un certain temps. Pour tout dire, nous avons d'abord, avec notre collègue archéozoologue, Céline Bémili, égrené les taxons phoniques qui pouvaient présenter des convergences morphologiques avec l'homme. Il y avait bien ce doute, hein, bien sûr, dès la découverte, mais il faut raison garder. Et c'est vrai qu'avec avec notre collègue archéozoologue, nous avons égrené ces taxons phoniques qui pouvaient, peu ou prou, se rapprocher de l'homme. Et nous en sommes arrivés à la conclusion. Après également un envoi de clichés à Bruno Morel, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de trois zoos appartenant à un humain. Alors, rappelons que le site de Tourville est un site absolument exceptionnel. Je m'y étais rendu en 2010. J'en avais fait donc une émission du Salon Noir. Une immense carrière en bord de Seine. Oui, une immense carrière, connue de longue date pour les fossiles d'animaux qu'elle livre, l'outillage en silex également, qui est présent. Bon, c'est une carrière importante, hein, plusieurs hectares, avec une séquence de strates géologiques très importante. Toutes ces strates géologiques n'ont pas livré de fossiles d'animaux, ni de silex taillé. Là, notre fouille s'était concentrée sur un niveau archéologique qui est daté d'environ 200 000 ans et qui correspond à une phase interstadiaire. Et depuis les années 60, eh bien, ce niveau archéologique, entre autres, avait livré d'importantes collections d'ossements, d'animaux et de silex taillés. Il y a eu des fouilles, hein, préalablement à la nôtre, dans les années 80 et dans les années 2000. Notre fouille n'a fait que, je dirais, parachever, hein, ce chapitre Tourville, puisqu'elle intervenait juste avant la phase finale d'exploitation de la carrière par les aménageurs. Alors moi, j'avais trouvé que c'était un site tout à fait étonnant parce que vous faisiez d'immenses décapages dans une sorte de sable jaune, quelquefois un peu noir. Oui, c'est l'avantage de ces alluvions fines déposées par la vallée de la Seine. Donc, ça nous a permis d'aménager de grands caissons au sein de cette emprise de fouilles, des caissons d'autant plus précieux qu'ils permettaient d'avoir de très longues coupes qui ont permis à notre collègue géologue Sylvie Coutard de faire un relevé systématique des horizons sédimentaires. Et puis, bien entendu, ça permettait d'avoir un suivi des découvertes, hein, puisque là, nous sommes dans un contexte où les vestiges lithiques, hein, l'outillage en pierre et les ossements d'animaux étaient découverts essentiellement de façon éparse, si ce n'est quelques zones de concentration qui constituaient des amas osseux ou des zones d'ateliers de taille. Céline Bémili, vous êtes archéozoologue, donc j'imagine que vous avez étudié la faune. Comment se présentait-elle ? Alors la faune de Tourville sur cette fouille 2010 se présentait de différentes manières. D'une part, la majorité des restes se présentaient de manière très éparse, des fragments comme ça osseux très disséminés sur toute la surface, sur toute l'emprise. Des portions de carcasses en connexion, comme des membres, des portions de squelette axial, parfois étaient découverts. Et puis, sur une partie de l'emprise, a été mis au jour un très gros amas de faune d'origine fluviatile qui composait à lui seul plus de la moitié des restes découverts sur toute la surface. Et dans cet amas se trouvait la majorité aussi des espèces découvertes, soit plus d'une douzaine d'espèces mêlant grands mammifères, carnivores, rongeurs. Quelle espèce ? Alors les trois espèces principales qui sont documentées sont le cerf, l'auroque et le cheval, accompagnés du cheval hydrontin qui est un tout petit cheval, de très gracile, de sanglier, de chevreuil et puis des carnivores, loups, chats sauvages, panthères, ce qui est inédit sur le site de Tourville qui est quand même un site qui a fourni une faune paléontologique assez importante, mais la panthère n'avait pas été documentée jusqu'ici, donc ça c'était une découverte assez intéressante. Et puis des espèces de rongeurs comme le lièvre ou le castor. Donc aussi ce que l'on appelle une microfaune, plein de petits animaux ? Oui, alors bon, des petits animaux, pas tant que ça des petits animaux, mais quelques-uns, bon, ce qui montre déjà la finesse de la fouille. Et puis le spectre très large des espèces qui reflète un environnement assez varié, mêlant probablement des forêts, des prairies, tout ce qu'on peut trouver dans la vallée de la Seine. Jean-Philippe Favre, cette faune, elle est très particulière. Par exemple, il n'y a pas de mammouth ? Non, il n'y a pas de mammouth à Tourville, nous n'en avons pas découvert. À proximité de cet horizon sédimentaire, on sait que dans des niveaux sous-jacents, fut découvert du mammouth. Mais ce n'est pas sur cette partie de la séquence géologique que notre fouille a apporté. Donc non, dans l'assemblage mis au jour lors des fouilles 2010, il n'y a pas de mammouth. Tout simplement parce que le climat était très différent. Oui, il était de facto, je dirais, inhospitalier pour le mammouth. Nous sommes dans une phase tempérée, avec des taxons qui correspondent donc à l'environnement en adéquation. Je dirais qu'on pourrait éventuellement s'attendre, à avoir du proboscidien, mais adapté à cet environnement tempéré. Ce n'est pas le cas. On a parlé là d'un couvert forestier assez important, alternant avec des prairies. Donc, ce n'est pas non plus le plus adéquat pour le développement de ces proboscidiens. Pourquoi toute cette faune est présente à cet endroit-là ? Alors l'hypothèse là, déjà qui vient le plus à l'esprit, c'est la proximité de la rivière. Ces animaux qui vivaient dans cet environnement venaient s'abreuver auprès de cette rivière. Après, pourquoi leurs ossements se sont trouvés là ? Ben, ça a été l'objet de tout mon travail, c'est d'essayer de démêler quelle était la part naturelle, la part des grands carnivores, la part anthropique éventuelle de la présence de ces ossements sur le site. Bon, je ne vous cache pas que c'était une tâche un peu ardue et presque impossible, mais ceci dit, un certain nombre d'indices m'ont permis de certifier la de l'homme sur une partie au moins des ossements et donc une chasse et une consommation de certains de ces animaux qu'on a retrouvés ici. Jean-Philippe Favre, on peut penser qu'une grande partie de ces carcasses soit arrivée naturellement sur le site de Tourville-la-Rivière ? Oui, tout à fait. Le bruit de fond naturel est sans doute très important. Et il est sans doute d'autant plus important qu'il camoufle le bruit de fond anthropique. Ça veut dire la part de l'homme dans la participation en tant que participant à l'accumulation osseuse qu'on peut voir à Tourville, notamment par le biais de la pratique de la chasse. Mais il est sans aucun doute sûr que l'homme a chassé. Les pré-néandertaliens étaient des chasseurs accomplis. On est là sans doute dans une configuration qui permet d'en apprendre un peu plus sur les activités de subsistance de l'homme de Néandertal. Alors je resterai sur le caractère naturel tout d'abord. On peut imaginer que la Seine charrie de temps en temps des carcasses qui vont se déposer ? C'est ça le scénario ? Oui, probablement. On a ce fleuve qui va charrier des carcasses. Elles vont se déposer sur les berges de la Seine. Et puis on a sans doute un recouvrement rapide de ces vestiges fauniques avec ces alluvions fines, ces sables qui vont venir recouvrir. Et puis cette dynamique sédimentaire, sans doute très rapide, a en grande partie favorisé aussi la conservation de ces connexions anatomiques que l'on observe sur beaucoup de carcasses animales. Bruno Moreille, on peut imaginer que le bras de l'homme de Tourville est tout d'abord flotté dans la Seine ? C'est en tout cas l'hypothèse que l'on privilégie, puisque sur les ossements de Tourville, on n'a aucune marque qui nous permet de suspecter que ce bras a été traité par l'homme ou qu'il soit là en raison de l'activité des carnivores. Donc on pense effectivement qu'un pré-néandertalien est mort, son bras s'est détaché du reste du corps et ce bras a été charrié par la Seine. Et les bras se détachent facilement sur un corps ? Alors pour ce qui est conservé, effectivement, on a l'humérus, radius et l'ulna, donc les trois principaux os longs du bras, et l'articulation avec le tronc au niveau de la scapula est beaucoup plus fragile que celle au niveau du coude. Donc il est assez logique finalement d'avoir cette partie du corps de ce néandertalien et pas le reste. Et la main est absente ? La main, malheureusement, est absente, et alors là c'est un petit peu plus paradoxal, parce que peut-être que cette main a à un moment accompagné ce bras et a disparu par la suite, qu'on ne l'a pas retrouvé. On sait qu'on a des phénomènes post-dépositionnels qui ont affecté les trois ossements de Tourville. On ne peut pas exclure que la main ait subi une histoire qui a entraîné la disparition de tous les ossements. Donc des loups, des aurochs, un bras d'homme flottent dans la Seine, se déposent sur des limons fins, sont rapidement recouverts. Mais tout d'abord, les pré-néandertaliens reviennent sur ce terrain ? Oui, c'est un lieu de halte répétée, sans doute, à vocation sans doute également spécialisée en termes d'activités menées. Ces activités, en tout cas, on les perçoit au travers des productions matérielles que nous ont léguées ces pré-néandertaliens. Je parle là notamment des silex taillés que l'on a découverts à Tourville-la-Rivière. Alors des silex taillés qui s'inscrivent parfaitement dans l'univers technologique de ces pré-néandertaliens, des silex taillés suivant la méthode Levallois essentiellement, qui permet d'obtenir des éclats allongés aux tranchants parallèles très incisifs et qui sont totalement en adéquation avec des activités de découpe. À ce titre, d'ailleurs, notre collègue Stéphanie Bonilori a mené une analyse fonctionnelle préliminaire de ces outils et a pu déterminer que certains de ces objets levallois avaient servi sur de la matière carnée. Vous avez retrouvé sur votre faune des traces de ce que l'on pourrait dire de boucherie ? Alors oui, des traces d'intervention, mais disons des découpes de boucherie, pas sur la faune découverte en 2010. Ceci dit, sur le lot que j'avais étudié en 2008 de la fouille qui avait été menée par Dominique Cliquet, j'avais un reste sur 400 à peu près, qui présentait des traces de découpe très fines, donc très nettes. Mais sur la fouille 2010, j'ai des traces d'impact, de fracturation des os longs pour la récupération de la moelle et des remontages osseux qui permettent de montrer cette chaîne opératoire de la fracturation des os longs pour la récupération de la moelle, donc consommation par l'homme. Jean-Philippe Fèvre, un bras flotte, bras humain, des carcasses flottent, d'accord, tout ça est totalement naturel. Mais les Néandertaliens connaissent visiblement très bien le terrain et vont donc ponctuellement faire des prélèvements sur ces carcasses. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement ? Bon, ils recherchent sans doute de la viande, en tout cas au sens large, des éléments issus de l'animal. On a un scénario là où l'homme, dans ses haltes répétées, va venir de façon extrêmement fugace. Il va confectionner son outillage qui, d'une certaine façon, est très investi d'un point de vue technologique. Hein. Voilà, je parlais de ces produits levallois qui relèvent quand même d'un niveau de technicité élaboré. Ils sont en parfaite adéquation avec les activités menées sur cette emprise de Tourville-la-Rivière. Et nous sommes là, in fine, dans un espace de vie. C'est une fenêtre à l'intérieur d'un espace de vie que constituait la vallée de Seine, et un espace de vie qui était, je dirais, de façon répétée, fréquentée par ces individus, où, je dirais, en fonction des opportunités, ils pouvaient récupérer de la matière carnée ou pouvaient également développer leur stratégie de chasse. Donc on est dans une situation où l'homme est très mobile et développe ses activités de subsistance au sein d'un territoire assez restreint qui est la vallée de la Seine. Alors ce qui est très intéressant pour les pré-néandertaliens, c'est que ça nous en apprend beaucoup sur leur véritable stratégie. Ah oui, alors les stratégies, elles sont plurielles. Ça veut dire qu'on oppose bien sûr souvent la chasse à d'autres activités de subsistance. Là, on voit la parfaite complémentarité de ces différents scénarii. Par contre, on ne peut pas déduire que Tourville-la-Rivière est constitué un lieu d'habitat. C'est-à-dire qu'en cela, cette fenêtre dans la vallée de la Seine vient aussi compléter le territoire occupé par les pré-néandertaliens. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas aujourd'hui les lieux d'habitat qui pouvaient être faiblement distants de ce fond de vallée, mais en tout cas, on sait qu'il n'occupait pas l'endroit de façon pérenne. Ce sont des chasseurs-cueilleurs mobiles, ils exploitent les matières premières lithiques qui sont locales, ils confectionnent leur outillage, ils l'utilisent, l'abandonnent et bougent sur de faibles distances. Et de même, on perçoit également des éléments qu'ils ont importés avec eux, qui venaient avec eux. Je dirais d'une certaine façon, cette fameuse besace qu'ils avaient avec eux et qui comportait des outils et qui, d'une certaine façon, est témoin de ce cycle de confection de l'outillage, d'utilisation et d'abandon et à nouveau de fabrication. En conclusion, l'homme de Tourville porte sur plusieurs champs. D'abord, un pré-néandertalien, de l'autre côté, une faune très riche et de l'autre côté, des comportements humains, c'est à peu près ça ? On a un tiercé, c'est très très bien, nous sommes un tiercé gagnant. On en apprend sur les trois registres, j'espère qu'on en apprendra à l'avenir sur bien d'autres. On en a évoqué là, ensemble, la paléogénétique, pourquoi pas, bien sûr. C'est un gisement riche à plusieurs points, qui n'a pas encore fini de nous livrer toutes ces informations. À l'occasion de la découverte de l'homme de Tourville, la rivière, vieux de 200 000 ans, je signale les livres d'Éric Pincas, mon confrère d'Historia, qui a tué Néandertal, une enquête publiée chez Michelon. La semaine prochaine, Henri Dudet nous parlera de ses fouilles au cœur du Vatican. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Guilain Meige, attaché d'émission Catherine Donnet.